Bonjour, je suis le professeur Daniel Thomas, cardiologue. Je suis ancien président de la Fédération française de cardiologie et nous allons aujourd'hui parler du tabac qui est un facteur primordial dans la prévention cardiovasculaire. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. Connaissons-nous l'intérieur de notre planète, sa structure profonde, non pas parce que nous avons foré jusqu'à son cœur, loin s'en faut, mais grâce aux ondes sismiques qui, en se déplaçant et en se répercutant à différentes vitesses, nous renseignent très précisément sur la composition de ce qui nous est inaccessible. Et bien pour les étoiles, c'est pareil, ou presque. Les observations classiques ne nous renseignent que sur leur surface, mais deux types d'ondes, acoustiques et gravitationnelles, nous permettent de comprendre leur fonctionnement interne, y compris aujourd'hui pour des étoiles très lointaines et principalement ce que deviendra notre Soleil d'ici 4 milliards d'années, une géante rouge. Astérosismologie, attention les secousses, c'est le programme qui bouge, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre donc non seulement à cette discipline, mais également à ce qu'elle nous raconte de la vie intérieure des étoiles, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Van Grottel, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome et astrophysicienne, chercheuse FNRS à l'Université de Liège. Et j'ai à mes côtés en studio Raphaël Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche du département d'astrophysique de CEA IRFU. Et on commence par celle qui vibre chaque jour au rythme de l'actualité scientifique, mais pas que. C'est Natacha Trio pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue ce matin dans la revue Nature Communications et la fabrication d'un nouveau polymère dégradable. Une équipe française s'est intéressée à un polymère bien connu des industriels, le polyacrylamide. Alors ce n'est pas le polymère le plus connu du grand public, mais il est extrêmement utilisé dans différents secteurs industriels. La récupération du pétrole, le traitement de l'eau, le reconditionnement des sols, la fabrication du papier et même en cosmétique. Alors, le gros problème des polymères et des plastiques en général, c'est leur non-dégradabilité. Ces chercheurs ont voulu le rendre dégradable et ils ont mis le doigt sur un système de copolymérisation un peu particulier qui permet une dégradation très rapide, qui n'avait jamais été montrée auparavant. Alors quand on le solubilise dans l'eau, c'est un polymère qui peut être soit hydrophile, soit hydrophobe, en jouant sur la température. Quand il est au contact de l'eau, il se dégrade en un temps record, en quelques jours seulement. En une semaine, il se dégrade à plus de 70%. Julien Nicolas est directeur de recherche CNRS de l'Institut Galien Paris-Saclay. Il est l'auteur principal de cette étude. Alors en fait, un polymère, on peut assimiler ça à un collier de perles par exemple. C'est une macromolécule composée d'un enchaînement d'unités monomères qui sont accrochées les unes aux autres. Donc le monomère, c'est la perle. Et donc on les enchaîne les unes aux autres, on obtient donc une longue chaîne qu'on appelle polymère. Donc nous, on synthétise ces polymères-là par voie radicalaire et on utilise des méthodes de polymérisation radicalaire contrôlée. C'est-à-dire qu'on arrive à contrôler la longueur de ces chaînes et les groupements fonctionnels qu'on vient positionner en début, en fin de chaîne par exemple. Donc on obtient des polymères qui sont assez homogènes en termes de structure. Et donc pour dégrader ces polymères-là, on a fait ce qu'on appelle une réaction de copolymérisation, c'est-à-dire qu'on a fait réagir ensemble deux types d'unités monomères, donc l'acrylamide à 90%, et pour les 10% restants, on a fait réagir un monomère qui va permettre la dégradabilité en insérant dans le squelette polymère un groupement fonctionnel qui est fragile, qui est labile, qui s'appelle un groupement ester, et qui va permettre in fine de dégrader ce polymère, c'est-à-dire en le coupant, en le fragmentant en polymère de plus petit. petite longueur. Les polymères ne sont pas dégradables, on va dire, puisque c'est un squelette carboné, donc un enchaînement de liaisons carbone-carbone, donc ils ne sont pas dégradables très facilement. Et donc là, en insérant en fait ces groupements esters au sein du squelette polymère, on arrive à insérer des points de fragilité, en fait. Et grâce à ce système de copolymérisation entre l'acrylamide et ces monomères permettant d'insérer des groupements esters, on obtient une dégradation qui est très rapide. Alors pour les applications, nous on s'est intéressé en fait au polyacrylamide parce que c'est un polymère qui est très intéressant pour tout ce qui est nanomédecine, tout ce qui est libération de principes actifs, nanoparticules, polymères, etc. C'est un polymère qui est très hydrophile, donc qui est très soluble dans l'eau, et il va de la même manière conférer des propriétés de furtivité lorsque il va être greffé à la surface de nos particules, c'est-à-dire qu'on va avoir des temps de circulation dans l'organisme qui vont être prolongés. Donc par exemple, c'est ce qu'on cherche à faire nous au laboratoire, on va essayer de lui coupler des molécules anticancéreuses, et donc cette prodrogue que l'on va obtenir va avoir un temps de circulation prolongé dans l'organisme et va faire office en fait de réservoir de principe actif en libérant de manière prolongée le principe actif. Et si vous voulez tout savoir sur ce nouveau polymère dégradable, eh bien, comme chaque jour, on vient de vous poster l'étude de Nature Communication sur notre fil Twitter @laméthodefc. Il y a un que vous pourrez retrouver à la fin de cette émission sur la page de l'émission La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Face au nouveau cas de variole du singe, de nombreux pays, dont la France, envisagent de vacciner les cas contacts. Oui, c'est ce qu'a annoncé cet après-midi la Haute Autorité de Santé française. Seuls 3 cas ont été repérés en France, mais l'on s'attend à voir ce chiffre augmenter dans les prochaines semaines. Des vaccins contre la variole classique sont disponibles et ils sont efficaces à 85% pour protéger de la variole du singe s'ils sont injectés dans les 4 à 14 jours après un contact à risque, le temps d'incubation de la maladie étant très long. Alors, ces vaccins sont recommandés pour le personnel soignant ou les proches des patients. Cette stratégie vaccinale devrait aussi être adoptée en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, d'après l'annonce hier du CDC américain. Néanmoins, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies affirme que, pour la population en général, la probabilité de contagion est très faible. La réélection du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé devrait avoir lieu aujourd'hui. Mais Tedros Adhanom, hein, il n'y avait aucun autre candidat à sa succession. Le premier Africain à diriger l'OMS est connu pour avoir dénoncé l'apartheid vaccinal et pour avoir défendu la levée des brevets sur les vaccins. Mais il a été également vivement critiqué pour sa gestion et sa lenteur lors de la pandémie de Covid-19. L'Éthiopien de 57 ans, prénommé Dr Tedros, devrait donc être réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution onusienne. Et pour finir, une étude parue dans Current Biology, étude qui détaille les étonnantes capacités de parachutisme des salamandres. Une espèce de salamandre vit dans les canopées des séquoias de Californie à 60 mètres de hauteur. Ce petit amphibien de quelques grammes se déplace en sautant de branche en branche. Des chercheurs américains ont voulu mieux comprendre leurs aptitudes aériennes. Pour éviter de les faire tomber d'un arbre, ils les ont placés dans un simulateur de chute libre, une soufflerie miniature, et ils les ont filmés au ralenti. On vient de vous poster la vidéo. Vous pouvez voir que les salamandres étendent leurs pattes et leurs orteils à l'horizontale et qu'elles utilisent leur queue comme un gouvernail pour contrôler leur chute. Elles prennent automatiquement une posture de parachutiste. Voilà, les salamandres parachutistes, ça nous a fait la matinée, donc vous pouvez regarder la vidéo et puis vous podcasterez l'émission plus tard, parce que si vous commencez, vous allez y passer le reste de votre journée. Merci beaucoup Natacha, et peut-être une autre vidéo rigolote demain dans le journal de science. Allez, à 16h08, on passe à notre émission du jour. Saviez-vous que le soleil respire? Tout du moins, se contracte-t-il légèrement et périodiquement, imitant le rythme régulier d'une respiration? Cette oscillation, qui est une description donc peut-être moins anthropomorphique que la respiration, cette oscillation donc a été détectée en 1960. Et il n'y a pas que le soleil qui oscille ou qui respire. En 1984, c'est Alpha du Centaure, Alpha Centauri A, qui est prise en flagrant délit d'oscillation sur une période de 5 minutes. Très vite, les astronomes vont réaliser que ces vibrations se produisent sur deux modes distincts, qu'elles sont de deux types. Des vibrations gravitationnelles, d'une part, un peu comme les oscillations de la surface de l'océan dont la masse pesante offre une certaine résistance, et acoustiques, à la manière du mode vibratoire, par exemple, d'un tuyau d'orgue dont l'air est compressé. Donc, si vous avez bien suivi et que vous avez bien compris, si les étoiles sont parcourues par des ondes acoustiques, c'est donc qu'on peut les entendre. Alors voilà, c'est assez court. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement ce qu'on entend? Parce que évidemment, il ne s'agit pas exactement du son des étoiles, puisqu'on sait bien que dans l'espace, les ondes sonores ne peuvent pas se propager. Qu'est-ce qu'on entend exactement, Raphaël Garcia? En fait, ce qu'on est en train d'entendre là, c'est les pulsation d'une étoile qui semblerait pas être très grand parce qu'il est aigu, mais c'est un peu trompeur probablement parce que pour qu'on puisse les écouter, ça a été translaté probablement légèrement pour que nous à l'oreille on puisse l'écouter nous les humains. Cette étoile en l'occurrence, c'est des sons pareil. On vous met les liens que nous avons récupérés sur le site de la NASA, me semble-t-il. C'était 74 Draconis, qui est effectivement une étoile de 5,5 fois la masse solaire. On peut écouter une étoile un peu plus grosse. Valérie Van Groutel, un commentaire sur ce deuxième son qui est celui d'une étoile qui s'appelle Edazich, qui fait 12 masses solaires cette fois-ci. Oui, donc on remarque directement qu'on est sur un son plus grave que le précédent, qui a priori donc correspond à une étoile plus grosse. Alors c'est à peu près la même chose que quand on compare le son d'un colibri, par exemple, à tout petit animal, versus le son d'un éléphant, qui est quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, c'est a priori la fréquence propre, la fréquence caractéristique principale d'un objet, c'est premièrement fonction de sa taille. Donc voilà, un éléphant a priori a un son plus grave qu'un petit animal comme un oiseau. Raphaël Garcia? Oui, en fait, juste dire aussi qu'il y a un battement. Donc, ça veut dire que cet battement qu'on entend des fonds, comme c'est comme un moteur, un ronronnement des moteurs, c'est probablement parce que c'est l'effet de la rotation. Donc, il y a un battement des ondes. Et donc, ça produit ces va-et-vient du son qu'on écoute. Alors, si on avait un colibri, peut-être pas un éléphant en deuxième, mais disons, un gros chien, là, on va passer à l'éléphant avec 42 Draconis qui fait 20 masses solaires. Écoutez. Là, on est vraiment très très grave. On est presque dans les infrasons. En tout cas, on est vraiment très très bas. Raphaël Garcia? Oui, en fait, c'est ça. C'est que j'imagine, ils ont translaté les ondes de façon qu'on peut les écouter de la même façon. Donc, on voit que on écoute bien que c'est beaucoup plus grave. Donc, ça veut dire qu'il est beaucoup plus rond. Et pareil, on entend ces battements des ondes un peu irréguliers, ce qui est très probablement dû à la rotation dans ces cas-là. Valérie Van Groutel, je le disais tout à l'heure, et puis c'est une expression qui est souvent employée, mais c'est une expression, évidemment, la licence poétique, certainement, mais dire qu'une étoile respire, comment est-ce que vous considérez-vous cette analogie-là? Alors, c'est pas faux comme analogie. Maintenant, en astrosismologie, ce qui est intéressant, c'est quand on a plusieurs modes d'oscillation. Donc, en quelque sorte, l'étoile respirerait de plusieurs façons différentes, une fois par minute, et puis une autre fois, deux fois par minute, etc. Quand on a un seul mode d'oscillation, c'est un peu comme une étoile un ballon qui gonfle et qui se dégonfle. Alors, il y a des étoiles comme ça, les céphéides, les célèbres céphéides, qui servent de standard cosmologique pour évaluer les distances, sont des étoiles qui respirent avec une seule fréquence, donc qui gonflent et qui se dégonflent comme un ballon. En astérosismologie, le plus intéressant, c'est quand on a des étoiles qui sont multipériodiques, qui présentent de multiples oscillations, puisque chaque mode d'oscillation va permettre de sonder une partie de l'étoile en quelque sorte. Et donc, on peut imaginer que la surface de l'étoile, c'est pas simplement un ballon qui gonfle et qui se dégonfle, mais qu'il y a certaines parties qui s'approchent de nous, qui se déforment en s'approchant de nous, et d'autres parties qui, au contraire, s'éloignent de nous, donc qui rentrent plutôt dans l'étoile. Voilà. Mais en astrosismologie, voilà, les étoiles les plus intéressantes pour sonder l'intérieur sont des étoiles qui présentent des oscillations multiples, des multipériodiques. On va discuter tout au long de cette heure de cette astérosismologie. On va comprendre comment on peut appliquer ce concept de sismologie qu'on connaît bien pour notre planète Terre à des étoiles. Comprendre également comment on a compris, comment nous avons découvert que différentes ondes, différents types de vibrations parcouraient les étoiles. Et surtout, vous allez découvrir avec nous ce que ces vibrations nous ont permis de comprendre de la mécanique interne et du fonctionnement intérieur des étoiles, puisque c'est notre sujet du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et donc à 16h15, nous parlons d'astérosismologie en compagnie de Valérie Van Groutel et Raphaël Garcia. Raphaël Garcia, le tout début de l'astérosismologie, c'est l'héliosismologie, c'est-à-dire que c'est appliqué à notre Soleil et on découvre que le Soleil oscille en 1960. En fait, pas complètement. C'est les premières observations. C'était un groupe américain, trois chercheurs, qui en 1962, ils essayaient d'étudier la convection du Soleil. Et en fait, ils ont découvert une vibration à 5 minutes, mais ils ne savaient pas l'origine. C'est plutôt dans les années 70 que des chercheurs américains, ils ont compris que ça pouvait être des oscillations. Et après, c'est en 75 et 79-80 où effectivement, on a pu mesurer les spectres d'oscillation du Soleil et on a pu constater qu'effectivement, c'était des modes d'oscillation et on a pu commencer à faire vraiment de la héliosismologie à ces moments-là. Après, l'astérosismologie est arrivée plus tard, plutôt les années 81-82, où effectivement les termes étaient venus pour analogie avec l'héliosismologie. Peut-être faut-il rappeler rapidement, Valérie Van Grotel, le fonctionnement global d'une étoile. C'est-à-dire que finalement, une étoile, c'est un astre en équilibre entre deux gradients, entre deux forces, la radiation d'une part, la pression de l'autre ou la gravitation de l'autre. Vous pouvez nous expliquer un peu, parce que ça va être important pour la suite, pour bien comprendre justement à quel point l'astérosismologie nous permet de mieux comprendre encore plus dans la finesse finalement comment s'organisent et se structurent ces étoiles. Oui, donc les étoiles sont en équilibre, comme vous l'avez très bien expliqué, sous l'action des deux forces, entre guillemets. Donc, les étoiles brûlent sous l'ordre de l'hydrogène, mais ou pour les plus évolués, d'autres éléments à leur cœur, ce qui produit donc une force orientée vers l'extérieur, une pression de radiation. Et dans le même temps, évidemment, l'étoile est en équilibre, enfin, et sous l'influence de sa propre gravité, et qui donc, cette fois-ci, est une force orientée vers l'intérieur. Donc voilà, c'est tout le jeu d'équilibre des étoiles entre ces deux forces-là. Et alors, du coup, quand on parle d'héliosismologie ou de vibration, peut-être, Raphaël Garcia, là aussi, pour poser les bases de notre conversation, faut-il expliquer, parce que on comprend relativement bien la sismologie, puis on en a beaucoup parlé sur une planète rocheuse, c'est-à-dire comment finalement des ondes peuvent se propager dans de la roche, qu'elle soit d'ailleurs solide ou en fusion. Comment ça se passe finalement dans une sphère de gaz en train de produire des réactions thermonucléaires? En fait, dans les cas du Soleil, parce qu'il faut séparer les types d'étoiles, disons les étoiles les moins massives comme le Soleil, ils ont une couche convective externe, ça veut dire la chaleur qui est produite à l'intérieur de l'étoile dans les cœurs, comme a mentionné Valérie. Il peut être propagé bien par radiation, comme dans les radiateurs à la maison, ou bien par convection, quand on met une casserole au feu et on voit qu'il y a des mouvements macroscopiques des matériaux qui ramènent la chaleur du bas de la casserole vers le haut. Donc, qu'est-ce qui fait naturellement une casserole quand elle commence à bouillir? Ça fait du bruit. Et donc, les bruits sont les ondes. Donc pour les étoiles de type solaire, typiquement, ce qui va se passer, c'est que la convection externe, ça produit des bruits, les bruits se propagent, et donc nous, on va aller effectivement mesurer ces ondes qui se propagent à l'intérieur de l'étoile, et on va avoir quels sont les matériaux, quelles sont les propriétés autant de la structure et de la dynamique, et donc on va pouvoir comprendre l'intérieur des étoiles. Et alors du coup, on parlait tout à l'heure, vous parliez, moi j'en parlais dans l'introduction, et l'un et l'autre, vous parliez de deux types de vibrations, deux types d'ondulations. De quel type d'ondulations différentes parle-t-on, Valérie Van Grotel? Oui, il y a principalement deux grands types. On classe principalement les oscillations en deux grands types selon la force de rappel, donc selon la force qui va permettre d'entretenir ces oscillations. Et les deux grandes forces dans les étoiles sont la pression et... cette pression orientée globalement vers l'extérieur et la force d'Archimède ou la gravité, donc la pression qui va donner les ondes acoustiques et la force d'Archimède dont le ressort principal est la gravité qui va donner les ondes de gravité. Voilà, alors ça peut être plus compliqué en présence de rotation de l'étoile. On va parler de mode gravito-inertiel par exemple, ou d'ondes de Rossby ou ce genre de choses, mais globalement, voilà, les deux grands types d'ondes dans les étoiles, c'est les modes G pour gravité et les modes P pour pression ou mode acoustique. Et alors Valérie Van Grotel, ces ondes, comment diffèrent-elles? Pourquoi, en quoi sont-elles différentes? Comment se répercutent-elles? Comment est-ce qu'on les analyse? Alors ça fait beaucoup de questions à la fois, mais surtout, qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur le Soleil pour commencer? On a un peu de temps, hein, donc on peut prendre chacune de ces sous-questions une par une. Oui, alors Principalement dans les étoiles, je dirais, normales, qui ont des réactions nucléaires en leur cœur, etc. Les modes P vont être plutôt des modes d'enveloppe, qui vont être amplifiés et se propager dans l'enveloppe, donc qui vont nous permettre de sonder l'enveloppe. Et on a les modes de gravité, qui eux vont plutôt être des modes d'intérieur, et qui éventuellement vont pouvoir se propager jusqu'à la surface, et on va pouvoir les observer. Mais c'est pas le cas dans toutes les étoiles. On pense qu'il y a des modes de gravité dans le Soleil, mais on n'est pas encore tout à fait certain de les avoir observés. Il y a eu certaines équipes qui ont prétendu avoir détecté les modes de gravité du Soleil, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait certain. Donc, grosso modo, donc dans les étoiles, je veux dire, normales, ce sont les modes de pression qui sont de l'enveloppe et les modes de gravité qui sont de le cœur. Mmh. Alors, ça dépend. Certaines étoiles montrent les deux. On appelle ça des étoiles hybrides et sont alors vraiment les plus intéressantes pour l'astérosismologie, puisqu'on peut sonder à la fois l'enveloppe et à la fois le cœur. Maintenant, certaines étoiles ou certains types d'étoiles ne vont exhiber que des modes de pression, comme notamment les étoiles de type solaire qui sont en train de brûler l'hydrogène sur la séquence principale. D'autres étoiles, notamment des plus massives, comme les gamma d'Uranus, ne vont exhiber que des modes de gravité. Et puis, comme je le disais, certaines vont exhiber les deux. Alors, j'aimerais bien faire un tout petit rappel sur... Un des grands premiers succès de l'astérosismologie, quasiment tout juste après le Soleil, ça concerne les naines blanches. Mmh. Donc les naines blanches qui sont vraiment des as en toute fin de vie, c'est le destin de 97% des étoiles de l'univers, dont le Soleil. Ce sont des as dégénérés. On a découvert des pulsations dans des naines blanches dès 1968, donc très très peu après le Soleil. Et dès 1972, on a compris que c'était des modes de gravité qu'on observait. Donc vraiment un des tout grands premiers succès de l'astérosismologie, à peine quasi contemporain à l'héliosismologie, ce sont les naines blanches. Et alors, ce que je voulais dire en premier, c'est que dans les naines blanches, comme ce sont des as dégénérés, on a un petit peu l'inverse. Les modes de gravité sont plutôt des modes d'enveloppe et les modes de pression sont plutôt des modes d'intérieur. Donc voilà, ce n'est pas un petit peu des étoiles, on va dire. Très bien. Alors, on va revenir sur le Soleil, si vous voulez bien, pendant un petit temps pour bien comprendre, parce que c'est à partir finalement de l'héliosismologie qu'on a pu ensuite étendre. Et vous allez voir que, évidemment, on a le sentiment que c'est le plus simple d'étudier l'étoile qui est la plus proche de nous, alors que vous allez voir que ça n'est pas forcément vrai. Donc si je résume ce que vient de dire Valérie Van Groutel, Raphaël Garcia, c'est que pour notre Soleil, ce que l'on perçoit aujourd'hui concrètement, ce sont ces fameuses ondes de surface, des ondes acoustiques, et on a du mal à rentrer à l'intérieur, ou en tout cas pour le moment, à percevoir les ondes de gravité qui nous renseigneraient à l'intérieur sur la zone radiative. C'est vraiment la zone qui dégage au maximum de la chaleur à partir des réactions thermonucléaires du centre, c'est ça ? Oui, en fait, c'est exactement ça. Dans les soleils, la structure du soleil est assez simple. Il y a une couche profonde jusqu'à à peu près 70% de son rayon qui est radiatif. Et après, il y a la surface, 30% les plus hauts du soleil, qui est une couche convective. Les problèmes, c'est que les modes de gravité, ils vont se développer dans la partie radiative, mais ils sont instables dans la partie convective. Tout simplement, ils vont diminuer leur amplitude et à la surface, on va trouver presque rien. En fait, il y a eu des traces, des signatures, des possibles détections des modes de gravité, mais pas des modes individuels que vraiment on peut utiliser pour faire beaucoup de sciences avec. Donc ça, c'était le premier point. Après, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que dans une étoile comme dans le Soleil, les modes de gravité et les modes de pression sont très séparés en fréquences. Typiquement, les modes de gravité vont avoir des fréquences plus longues qu'une heure, donc une heure, deux heures, trois heures, des choses comme ça, et les modes de pression sont à 5 minutes. Mmh. Par contre, quand l'étoile va évoluer, justement, on parlait tout à l'heure des géantes rouges, donc les étapes après que l'hydrogène dans les cœurs de l'étoile est fini, et donc on va avoir une combustion en couche, le cœur va se comprimer, etc. Là, et la zone radiative va devenir extrêmement grande, hein, puisque pour le Soleil, ça va revenir normalement jusqu'à l'orbite terrestre à peu près. À peu près, oui. Ouais. Dans 4 milliards d'années, donc on va pouvoir revenir un peu. Un peu plus. Oui, parce que pour arriver jusqu'à la Terre, il faut un peu plus, mais si, c'est environ 4 milliards d'années. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les fréquences des modes P vont s'approcher des fréquences des modes de gravité. Alors, le mode P, ce sont les ondes acoustiques. Ah, oui, voilà. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. De pression. Modes de pression, oui, effectivement. Donc, on les raccourcit à P, pression, et G, gravité. Mm-hmm. Donc, les modes de pression, les fréquences vont être aux mêmes fréquences que les modes de gravité, parce que l'étoile est beaucoup plus large. Et des coups, ils vont se coupler. Et donc, il se trouve que dans les étoiles géantes, on va pouvoir mesurer ces modes mixtes P et G. Et donc, on va pouvoir les détecter à la surface et avoir de la sensibilité au cœur, ce qui est très au cœur, à la partie la plus profonde en tout cas, radiatif de l'étoile. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui sera très intéressant, et on va en parler tout à l'heure justement de la façon dont on peut exactement scruter l'intérieur de ces géantes rouges, parce que c'est évidemment l'une des cibles de prédilection de l'astérosismologie. Alors tout de même une question qui peut paraître assez simple, assez rudimentaire, mais qui me semble tout de même absolument essentielle, Valérie von Grotel, c'est que faire de la sismologie à la surface terrestre ou à la surface de Mars, puisqu'on a un petit instrument qui s'appelle InSight qui mesure les tremblements de terre martiens, on peut comprendre, puisqu'on est à la surface d'un solide, comment, par quels outils, par quels instruments est-ce qu'on peut détecter ces ondes, alors on va dire sismiques, même si c'est impropre, en tout cas ces ondes P ou ces ondes G, ces ondes radiatives ou ces ondes de gravité à la surface ou à l'intérieur du Soleil? Oui, alors... Je parlais tout à l'heure de ces oscillations multipériodiques vont générer en quelque sorte des bosses et des creux à la surface de l'étoile. Et donc l'étoile va être non seulement déformée, mais aussi plus ou moins lumineuse selon l'endroit de ses bosses et ses creux. Et donc les deux grandes techniques pour détecter des modes d'oscillation, ça va être exploiter ça. Donc soit on va exploiter les petites variations de luminosité de l'étoile. Alors sur les étoiles du type solaire sont des variations extrêmement petites, hein, de l'ordre de la part par million, de l'ordre de 1 millionième. Donc on va devoir aller dans l'espace dans la plupart des cas pour pouvoir détecter ça. Et l'autre grande technique pour détecter ces oscillations, donc là plutôt on va détecter les parties de l'étoile qui globalement se rapprochent de nous ou les parties de l'étoile qui globalement vont s'éloigner de nous. Et ça, on peut faire ça grâce à ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Donc on utilise des spectrographes. Alors cette fois-ci on étale la lumière de l'étoile selon ses différentes composantes et on suit quelques raies d'absorption qu'il y a dans l'atmosphère de toutes les étoiles et on suit leurs variations. Donc quand elles s'approchent de nous, elles bougent plutôt vers la gauche et quand elles, par rapport à leur longueur d'onde normale, et quand elles s'éloignent de nous, c'est vraiment, on appelle ça l'effet Doppler. Et c'est donc une des grandes techniques. Enfin, voilà, il y a deux grandes techniques, vraiment la méthode photométrique qui consiste à détecter les variations de luminosité d'une étoile, ou la méthode spectroscopique, vitesse radiale, qui permet de détecter les variations de la déformation d'une étoile. Et on reparlera dans peu de temps des vitesses radiales, puisque on sait, et les auditrices et les auditeurs habitués à la méthode scientifique savent que c'est grâce à l'une des deux méthodes pour détecter des exoplanètes, et il n'y a pas de surprise, ce sont grâce à des télescopes à l'origine conçus pour détecter les exoplanètes qu'on va permettre de faire de l'astérosismologie. Raphaël Garcia, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste donner un exemple qui est très parlant. Donc, l'instrument Golf qui est à bord des satellites SOHO, qui regarde justement la sismologie en vitesse radiale. Donc, sa sensibilité, c'est à peu près de l'ordre d'un millimètre par seconde en vitesse, ce qui fait les déplacements d'un escargot sur la surface de la Lune. Donc, c'est commun si on était capable de mesurer un escargot qui s'est déplacé à la surface de la Lune. Ça permet de voir que vraiment c'est la précision auquel on doit arriver à mesurer les choses pour pouvoir faire de la science avec. Aujourd'hui, alors je parle sous votre contrôle, Valérie von Grotel, les différences d'amplitude à la surface du Soleil, alors c'est évidemment à l'échelle du Soleil, donc c'est tout petit à l'échelle du Soleil, mais tout de même c'est significatif puisque c'est plus ou moins 8 km, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai en tête aussi, oui. Autre question, Valérie von Grotel. Du coup, alors ça, maintenant qu'on a à peu près la technique, qu'on comprend, on vous a mis évidemment aussi, hein, si vous nous suivez, quelques liens et quelques schémas notamment qui peuvent vous permettre de comprendre un peu mieux ces différentes ondes à l'intérieur des différentes couches du Soleil sur notre fil Twitter que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur la page de l'émission sur franceculture.fr d'ici la fin de l'émission. Parmi les choses que l'héliosismologie, pour commencer, nous a permis de découvrir et de comprendre, il y a notamment le fait que le Soleil tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Valérie von Grotel. Oui, tout à fait. C'est alors. Là, pour le coup, la rotation différentielle selon la latitude, c'est quelque chose qu'on peut observer avec les spots, avec les taches qu'il y a à la surface du Soleil. Mais un des grands succès de l'héliosismologie, ça a été de sonder la rotation interne du Soleil. Mmh. Et on s'est rendu compte que là aussi, elle était différentielle selon la latitude, avec un cœur qui tournait à peu près, donc le cœur radiatif dont on parlait à Raphaël tout à l'heure, le cœur radiatif qui tourne comme un corps solide. Et puis, puis dans l'enveloppe convective, là, par contre, une rotation différentielle selon la latitude. Donc voilà, ça c'est effectivement un des grands succès de l'héliosismologie. Mmh. Et d'ailleurs, depuis peu, également de l'astérosismologie, et c'est vraiment une des... Alors, on en reparlera plus tard, on a le temps. Mais voilà, le grand succès des dernières années de l'astérosismologie, ça a été de sonder le cœur de la rotation interne des étoiles également. Oui, des géantes rouges notamment. Autre succès pour le Soleil, mais ça, il va falloir m'expliquer concrètement pourquoi, Raphaël Garcia, l'héliosismologie a permis de dater très précisément et beaucoup plus précisément le Soleil. Pourquoi est-ce qu'on peut mieux dater une étoile à partir des ondes ou des vibrations qui la parcourent ? En fait, dater tout objet en astronomie, c'est probablement une des choses les plus compliquées qu'on peut faire. À part les météorites qui tombent sur la Terre et que vraiment on peut aller les mesurer sur place, on peut malheureusement pas aujourd'hui aller dans une étoile, prendre un morceau et essayer de les dater par des méthodes radioactives ou quoi que ce soit. Donc en fait, pour déterminer l'âge de tout objet en astronomie, il faut passer par un modèle. Donc ces modèles doivent être comparés avec des observables. Donc le succès de la sismologie, c'est qu'on est capable de mesurer ces oscillations avec une précision très très très très importante, typiquement à la troisième chiffre décimale, voire supérieure dans des pulsateurs classiques que Valérie justement est une experte, disons des étoiles qui n'ont pas des couches convectives externes. On va dire comme ça. Et donc, on va voir tout un tas des modes d'oscillation qui sont très sensibles à l'étape évolutive de l'étoile et qu'on peut mesurer avec précision des troisième, quatrième chiffres décimales. Donc, si on met tous ces ingrédients ensemble, qu'on fait un modèle et qu'on vraiment on arrive à reproduire ces fréquences d'oscillation, on a une âge qui a une précision énorme par rapport aux techniques habituelles où, justement, on a uniquement la luminosité, la température des surfaces, des choses comme ça qui ont des erreurs beaucoup plus grandes. Et donc, ça permet des contraintes beaucoup moins. Ces étoiles. Alors, l'héliosismologie et puis petit à petit l'astérosismologie sont devenues l'une et l'autre de plus en plus précises avec l'augmentation de la précision également des outils et notamment des instruments fixés et associés au télescope. Je sais que Raphaël Garcia, vous avez travaillé notamment à l'observatoire de la CIA au Chili. Oui, et l'observatoire de Tenerife, donc plein des observatoires. Mais fondamentalement, les succès de la sismologie pour les étoiles de type solaire, qui pulsent autour des 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est vraiment l'espace. Donc c'est vraiment les faits d'avoir passé à des satellites qui nous a fait progresser énormément. C'est ça, et donc ces deux satellites, eh bien, c'est le début des années 2000, un satellite européen, Coro, un satellite américain, Kessler, qui sera bientôt ensuite, plus tard, remplacé par TESS, Valérie Van Grottel, ces deux satellites, on va dans un instant aller dans le reportage du jour entendre comment on analyse encore aujourd'hui leurs données alors que les missions sont terminées pour certaines depuis plus d'une dizaine d'années. Ça a été le saut technologique qui a permis d'aller explorer des étoiles auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Oui, absolument. Vraiment, alors Coro était la première grosse mission, alors ça c'est un petit satellite, mais une mission quand même assez importante consacrée à l'astérosismologie. Il y avait eu quelques précurseurs, notamment un petit satellite canadien qui s'appelait MOST, quelques années avant, mais disons Coro était la première mission d'importance, je veux dire, consacrée à l'astérosismologie, donc lancée en 2006, mission principalement française, mais également avec l'appui de plusieurs pays européens et donc de l'Agence spatiale européenne. Puis 2009, la mission Kepler, lancée par la NASA, cette fois-ci, avec des stratégies d'observation un peu différentes, et puis Kepler est un instrument un peu plus gros, puisque c'est un miroir d'à peu près 1 mètre de diamètre, tandis que Coro est un relativement plus petit satellite de 30 cm de diamètre. Kepler avait la stratégie d'observer une partie du ciel fixe dans la constellation du Cygne, donc plusieurs centaines de milliers d'étoiles, mais vraiment un champ fixe pendant plusieurs années. C'est ce qu'il a fait pendant 4 ans, de 2009 à 2013. Et puis, il a eu quelques soucis techniques, c'est-à-dire qu'il a perdu des roues de stabilisation donc qui permettent justement de pointer ce champ fixe de façon extrêmement précise. Et donc, la mission a été recalibrée en quelque sorte en Kepler 2, K2, on a appelé ça, qui cette fois a visé l'écliptique pendant des campagnes d'environ 90 jours, puis on passait au champ à côté, etc. Alors, c'était aussi extrêmement intéressant puisqu'on pouvait comme ça avoir beaucoup plus d'étoiles et puis on pouvait cibler certaines étoiles qu'on avait envie d'étudier et qui n'étaient pas dans le champ initial de Kepler. Et puis en 2018, il n'y avait plus de carburant à bord pour continuer ce pointage ou pour continuer la mission simplement. Et donc voilà, Kepler a duré de 2009 à 2018. Tandis que Coro s'est arrêté vers 2013, si ma mémoire est bonne. Et justement, on va aller examiner ce que nous disent encore les données de Corot et Kepler, et puis on va voir, on va étendre justement le champ de l'héliosismologie à l'astérosismologie. On va s'intéresser bien donc au futur de notre Soleil, à ces géantes rouges qui sont des astres ou qui étaient des astres relativement mal connus, puisque avant Corot et Kepler, on en avait identifié une dizaine. Aujourd'hui, on en connaît plus de 160 000, et on en parle dans quelques secondes musicales. Stars are stars, Deco and the Bunnymen à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'étoiles, de certaines étoiles en particulier, et nous allons notamment parler maintenant des géantes rouges et de la manière de l'étudier via les ondulations et les vibrations qui les parcourent. Nous parlons donc d'astérosismologie tout au long de cette heure en compagnie de Valérie Van Grotel, qui est astronome et astrophysicienne, chercheuse FNRS à l'Université de Liège, et Raphaël Garcia, directeur de recherche du département d'astrophysique au CEA IRFU. Nous parlions donc à l'instant de Corot et Kepler, les deux télescopes spatiaux qui ont permis d'immenses progrès en astérosismologie, alors qu'ils étaient a priori dédiés à l'étude des exoplanètes. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu au LESIA, à l'observatoire de Meudon, où l'on entend non seulement des petits oiseaux, mais où les données de Corot et Kepler continuent à être analysées. Et oui, et grâce à ces observations spatiales, Benoît Mosser a pu sonder le cœur d'un certain type d'étoiles dont on a parlé, les géantes rouges. Ces étoiles nous intéressent beaucoup car le Soleil lui aussi finira sa vie en géante rouge. Alors, pour décrypter leur lumière chargée de traces acoustiques, il a mis au point une méthode pour étudier leurs pulsations, une méthode qui nous éclaire sur leur évolution et aussi sur leur âge avec une précision jusque-là inégalée. C'est l'endroit en fait le plus calme, le plus proche de Paris. On a bénéficié de ce château de Meudon qui a été réhabilité en grande coupole. Fin 19e, mais qui aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Par contre, on a des petites coupoles qu'on va voir arriver en face, où travaillent encore les étudiants. Le Soleil est en train d'être observé là, parce qu'on raccorde les anciennes observations de Meudon avec des observations nouvelles, donc on continue encore à avoir des observations à Meudon sur l'héliographe. Et pour pallier la météo, on observe aussi en radio. Et on voit une antenne radio là-bas qui apparaît. Oui. En plus, c'est bien ce genre de matériel. On peut avoir une antenne de 3 mètres ici. Voilà. Alors, l'étude des oscillations est compliquée. L'analogie avec un tuyau d'orgue est très simple. Dans un tuyau d'orgue, il s'agit d'un petit sifflet dans lequel on crée une perturbation d'air, un flux d'air, ça crée des tourbillons. Ces tourbillons, de façon sonore, n'ont pas de propriété particulière, mais le tuyau derrière va sélectionner les sons, les notes, en musique les notes, en science les modes, qui vont résonner. Et un tuyau qui va être petit va résonner aigu, un tuyau qui va être long va résonner grave. Et ben, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait office du tuyau dans la géante rouge ? Et ben, le tuyau, il est à trois dimensions, c'est l'étoile elle-même. Et c'est donc dans l'étoile que se développent ces ondes sonores, mais évidemment... Mais l'étoile, sa surface, la photosphère ou... Alors, l'excitation, l'équivalent du sifflet du tuyau d'orgue, c'est à la surface, là où la convection. La convection, c'est la façon qu'a l'étoile de sortir l'énergie avec des grands mouvements de matière qui plongent vers le centre, de la matière froide qui plonge vers le centre, qui se réchauffe, et la matière chaude qui remonte. Et ah oui, c'est une espèce de bulle convective qui tout ressemble à une peau d'orange. Tout à fait, ce sont ces bulles convectives. Dans les photos du soleil, du coup, on voit en effet cette peau d'orange. Et c'est avec c'est encore plus marqué chez les géantes rouges parce qu'il y a encore plus d'énergie à sortir. Et ces cellules, elles existent à toutes les tailles. Il y en a qui vont très profondément, très lentement. Il y en a qui sont à la surface très rapide. Et ce sont celles-ci qui excitent les ondes. Et puis ensuite, il faut écouter cet orgue qui est joué dans une étoile qui a des milliers d'années de lumière. Et là, quels instruments ont fait ça ? Alors, évidemment, ce n'est pas les ondes sonores que l'on peut entendre, vu que le son ne se propage pas dans le vide qui nous sépare de ces étoiles, mais ces ondes sonores affectent la surface de l'étoile. Et là, l'analogie la plus claire, c'est lorsqu'on imagine une peau de tambour qui est déformée par les vibrations. Et là, c'est en gros la peau de tambour. Ah oui, comme des gouttes de pluie qui tomberaient sur une peau de tambour, ça fait des plop, plop. Voilà, c'est ça. Et donc, la surface de l'étoile est déformée. Ces déformations se transcrivent dans la lumière que nous envoie l'étoile. Et le flux de l'étoile, donc la quantité de lumière qu'on en reçoit, est modulée par ces oscillations. Et cette modulation, c'est elle qu'il va falloir observer. Alors, vous avez pu faire ça il y a quelques années grâce à Corot, qui était un télescope dont la mission était arrêtée. Oui. Est-ce que vous avez pu récolter des informations ? On parle de spectre d'oscillation. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait en regarder un, essayer de le commenter un peu ? Tout à fait. Alors, cette étoile, ici, on est en train de découvrir un aspect différentiel de la rotation de son cœur en regardant des modes qui apparaissent et que l'on n'attendait pas, par rapport aux modes que l'on attend, qui sont ici, bien alignés, bien identifiés. Donc vous dites modes, en fait, ce sont des pics, là. Ce sont des pics, c'est-à-dire, lorsqu'on a réalisé la tromperie de Fourier, s'il y a du bruit, s'il n'y a pas de signal, on a un fond que l'on peut modéliser. Et donc là, le fait de voir apparaître, pour trois ordres différents, trois pics supplémentaires, on a accès à la rotation que nous délivrent ces modes. Et ça va nous permettre de préciser non pas simplement la rotation du cœur de l'étoile, mais la rotation et les variations de cette rotation du cœur de l'étoile. Ce qui est très important, parce que comme on est intéressé aux âges, et si on s'intéresse aux âges des étoiles, c'est pour s'intéresser par exemple aux âges des planètes qui orbitent autour de ces étoiles. Et on vise, avec le satellite Plateau, elle va permettre d'étudier des systèmes stellaires et planétaires. C'est-à-dire qu'on étudiera la planète et l'étoile autour duquel elle tourne, et c'est l'étoile qui va nous donner l'âge de la planète, parce que la planète elle-même ne peut pas nous donner cette information. Vous, ici, Olesia, sur le site de Meudon, vous faites essentiellement de l'analyse, traitement de données, parce qu'il n'y a plus d'observations. En fait. Tout à fait. Ici, nous avons essentiellement des bureaux pour faire notre recherche. Nous avons, sur le bâtiment en face, un centre spatial où travaillent les étudiants, où travaillent les collègues ingénieurs. Le fameux satellite Corot a, entre autres, été préparé ici et dans d'autres sites aussi. Il a été testé, il a été étalonné. On a vérifié ses performances, qui devaient être extrêmement précises et non bruitées. Est-ce qu'en ce moment, quand vous venez ici, vous analysez encore les données de Corot ou vous préparez déjà Plateau pour 2026 ? Alors, les deux. On travaille toujours sur les données de Corot et de Kepler parce qu'on n'en a pas encore extrait toute la substantifique moelle. Et ce matin, j'analyse les données Corot et pour une collègue qui reprend toutes les données Corot. Et cet après-midi, j'analyse les données Kepler, parce que voilà, c'est la suite. Et puis demain, je fais du Plateau. Bon, le passé plus lointain, le présent, le futur se mélangent, parce qu'on est toujours en train d'analyser une mission ancienne et de préparer la future mission. Voilà, un petit détour par le si joli laboratoire de l'Observatoire de Paris et les télescopes qui sont encore à Meudon, sur le domaine de Meudon. Une réaction simplement des observations à ce que vous venez d'entendre et sur le fait qu'on continue aujourd'hui encore à décrypter et à analyser ces données qui viennent de Corot et de Kepler, Raphaël Garcia. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit Benoît, c'est qu'on analyse les matins les données d'une mission Corot qui est arrêtée depuis une dizaine, douzaine, quinzaine d'années. On analyse l'après-midi des données de Kepler, on continue avec la mission TESS qui est actuellement en vol. Les soirs, on va continuer à préparer les logiciels et à tester les cartes digitales pour la mission Plateau qui est sélectionnée par l'ESA pour un vol à partir des fin 2026. Et avec Benoît aussi, on prépare la suite pour un vol en 2030 quelque chose d'une autre mission qui s'appelle Haydn. Donc voilà, on travaille ensemble. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant dans la communauté, c'est que pour les grands projets, on est toute la communauté à peu près partout dans le monde. On s'est mis ensemble, c'était un peu avec Corot, mais surtout avec Kepler, parce qu'on n'avait pas de logiciels pour travailler et pour analyser ces données. Donc toute la communauté astrosismologie, que ce soit pour les étoiles de type solaire, les étoiles plus massives, les naines blanches, etc., on s'est mis ensemble à travailler ensemble. Et c'est quand même un succès de cette discipline, de pouvoir travailler ensemble avec des collègues de partout dans le monde pour faire avancer la science. Valérie Von Grotel, votre réaction à ce reportage ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient Benoît et Raphaël. J'expérimente exactement la même chose. Juste une toute petite chose en plus, c'est que pour les étoiles très faibles, notamment celles que j'étudie, les étoiles évoluées, que sont les naines blanches, et également les étoiles sous naines chaudes dans une moindre mesure, c'est que certaines observations seules, faites en particulier avec des très grands télescopes, sont encore tout à fait, je veux dire, valides d'actualité. Voilà, comme les télescopes spatiaux sont par définition un peu plus limités en taille que les grands télescopes qu'on peut installer au sol, dans certains cas, notamment dans ces cas d'étoiles extrêmement faibles, les observations sol sont en cours d'actualité et on continue d'ailleurs d'analyser des données sol pour ces étoiles en particulier, voilà, simplement. Mais alors Valérie Von Grotel, comment est-ce qu'on est passé de ces télescopes qui étaient encore vraiment dessinés et pensés pour partir à la recherche d'exoplanètes? On parlait des vitesses radiales tout à l'heure, on sait que c'est l'une des deux techniques utilisées pour détecter des exoplanètes en rotation autour d'une étoile précise, à de l'astérosismologie. C'est un réemploi des données ou est-ce que c'est un hasard? Totalement. Comment ça s'est passé? C'est vraiment exactement la même technique. Quand on veut détecter par exemple un transit en exoplanète, on va mesurer la variation de luminosité d'une étoile. Et puis quand on a une petite baisse brusque de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, suivie d'une remontée. Alors, ce sont des baisses en général beaucoup plus importantes que les oscillations dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est exactement la même technique de photométrie, c'est scruter l'étoile en continu. Donc, c'est exactement la même technique pour détecter une exoplanète en transit que pour détecter des oscillations par photométrie, par variation de la luminosité de l'étoile. Et pareillement, pour la méthode des vitesses radiales, ce qu'on va chercher, c'est donc... Voilà, c'est quand l'étoile globalement s'approche de nous ou quand l'étoile globalement s'éloigne de nous. Et ça peut être aussi bien dû à la présence d'oscillations des étoiles qu'à la présence d'une exoplanète autour de l'étoile. Alors, c'est pas les mêmes fréquences, etc. Donc, on arrive à séparer les signaux, mais les techniques d'observation sont exactement les mêmes. Et donc, on pouvait tout à fait combiner les deux objectifs scientifiques au sein d'une même mission. Sachant de plus que c'est tout à fait intéressant pour l'étude des exoplanètes, c'est même indispensable de très bien caractériser l'étoile, de très bien connaître l'étoile, puisque dans aussi bien le cas de l'étude d'exoplanètes en transit que d'exoplanètes par vitesse radiale, eh bien, il faut connaître l'étoile. Donc, par exemple, le transit, quand une planète passe devant son étoile, on a donc cette petite baisse de luminosité qui est due donc au fait que la planète obscurcit une partie de l'étoile. Eh bien, cette baisse d'intensité de l'étoile, c'est quelque chose qui est proportionnel entre le rayon de la planète et le rayon de l'étoile. Donc, si on veut étudier l'exoplanète, si on veut connaître le rayon de l'exoplanète, eh bien, il faut connaître le rayon de l'étoile, puisque ce qu'on va mesurer, c'est cette baisse d'intensité qui est proportionnelle entre le rayon de la planète et le rayon de l'étoile. Et la même chose pour les vitesses radiales. Par exemple, pour atteindre la masse d'une exoplanète, donc plus le signal va être grand en vitesse radiale, plus ça veut dire que la masse de l'exoplanète est grande, mais ça aussi c'est proportionnel entre la masse de l'exoplanète et la masse de l'étoile. Donc il faut connaître la masse de l'étoile pour connaître la masse de l'exoplanète. Donc voilà, non seulement ce sont les mêmes caractéristiques, ce sont les mêmes techniques observationnelles, mais aussi ce sont vraiment deux champs qui se complémentent complètement, puisque il faut, dans tous les cas pour les exoplanètes, il faut connaître l'étoile pour pouvoir caractériser l'exoplanète. Raphaël Garcia. Oui, en fait, je voulais rebondir là-dessus et un peu raconter une petite anecdote, mais en même temps, c'est l'histoire. Donc, Kepler, c'est une mission uniquement à la base pour chasser des planètes. Corot avait été construit vraiment avec des objectifs ensemble. Et en fait, on était huit chercheurs à Berne, en Suisse, les années 2007-2008, quand c'était en train de se préparer la mission Kepler. Et en fait, un collègue danois avait dit « Est-ce qu'on pourrait faire de la sismologie avec Kepler ?» Donc on a pris des données de l'instrument Golf que j'ai mentionné tout à l'heure. On a essayé de les mettre en circonstance, donc comme si c'était une observation de Kepler, et on s'est rendu compte parfaitement qu'on pouvait faire de la sismo comme on n'a jamais fait auparavant. Donc ses collègues danois a téléphoné la NASA, les chercheurs à la charge des satellites Kepler, il a dit, écoutez, si tu nous donnes les données qui étaient privées à l'époque, un peu privées des Kepler, on peut avec la sismologie, on pourra calculer les rayons de l'étoile, donc avec une précision jamais atteinte par les méthodes classiques, et donc tu pourras calculer les rayons de tes planètes avec une précision non atteinte jusqu'à présent. Et donc, voilà. L'histoire est continuée parce qu'ils nous ont donné les données et voici aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de publications en astrosismologie sur Kepler qui est sur les planètes. Effectivement, vous avez bien fait. C'est une chouette anecdote de ce qu'on appelle la sérendipité parfois, dont on sait qu'elle a son importance souvent en science et en recherche. Alors, si on revient justement à ces données, à ce que l'on a appris, Raphaël Garcia, on parlait tout à l'heure beaucoup des géantes rouges. C'est vrai que c'est sur les géantes rouges que l'astérosismologie s'est longtemps concentrée. Pourquoi et pour en apprendre quoi précisément? Et cette somme de connaissances nous apprend rétrospectivement sur notre système et sur l'avenir de notre système solaire? En fait, c'est un ensemble des choses. Kepler, justement, pour revenir à la source, mais Corot aussi, il y avait des modes de fonctionnement, disons un mode rapide et un mode lent. Ça veut dire que à cause de la télémétrie, la quantité d'informations qu'on peut envoyer depuis la sonde, on pouvait pas envoyer une photographie de toutes les étoiles à une cadence rapide. Donc il fallait les faire une fois tous les 30 minutes. Grosso modo. Ça, c'est pour 200 000 étoiles. Et pour 600 à peu près, on pouvait envoyer une fois tous les minutes. D'accord? Donc, il se trouve que les étoiles de type solaire, ils poussaient à 5, 10, 15 minutes. Donc, on ne pouvait pas mesurer ces étoiles-là avec une cadence de 30 minutes, malheureusement. Par contre, les géantes sont énormes. Et comme ils sont énormes, ils pulsent très lentement. On l'a écouté tout à l'heure. C'est très grave. Donc, ils ont des fréquences de pulsation beaucoup plus longues que les heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, jusqu'au jour, même dizaines de jours, cinquantaine de jours. Donc, tout naturellement, on pourrait observer ces étoiles-là. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est plus intéressant encore, c'est la science qu'on peut, dire. Comme je disais tout à l'heure, les géantes, les modes acoustiques et les modes de gravité se mélangent en fréquence et donc ils se couplent. Donc on peut avoir accès à l'intérieur, au cœur de ces étoiles. En fait, c'est paradoxal, mais pour les soleils, malheureusement, comme on ne mesure pas les modes de gravité, on peut effectivement mesurer avec les modes acoustiques les propriétés de l'intérieur du soleil jusqu'à à peu près 0,2 rayons solaires, pour ce qui est de la dynamique, mais on ne peut pas attendre les cœurs. Donc on ne sait pas vraiment comment ça tourne, on pense que c'est une solide rigide, comme elle a dit Valérie tout à l'heure, mais vraiment, on n'a pas la certitude. Par contre, dans les géantes, on peut accéder au cœur grâce à ces modes mixtes, et du coup, on est capable de mesurer la vitesse des rotations d'une géante qui se trouve de l'autre côté de la galaxie, quand en fait, on ne peut pas mesurer les cœurs du Soleil qu'il est ici à côté. C'est ça. Sur également justement Valérie von Grotel, ce qu'on a pu apprendre notamment et découvrir à propos justement du noyau de ces géantes rouges qui, une fois de plus, je le rappelle, est le futur de notre étoile juste à côté. Oui, alors c'était un des grands résultats d'astérosismologie. Effectivement, on a découvert que, alors, ce qu'on attendait, c'est que l'étoile, au fur et à mesure qu'elle évolue, donc l'enveloppe s'expand et le cœur se contracte, que comme ce cœur se contractait, on pensait, donc c'est comme la danseuse qui ramène les bras près de soi et qui se met à tourner de plus en plus vite, on pensait que le cœur tournait de plus en plus vite, enfin tournait extrêmement rapidement, et beaucoup plus rapidement que l'enveloppe. Et en fait, on s'est rendu compte que le cœur ne tournait que typiquement 10 fois plus rapidement que l'enveloppe. Et donc, il y avait ce qu'on appelle un transport de moment angulaire dans l'étoile, dans les étoiles, de façon beaucoup, beaucoup plus importante que prévu. Donc voilà, ça c'était un des grands résultats de ces modes mixtes, mode P et mode G dans les géantes rouges, c'était voilà, de sonder la rotation interne des étoiles, et notamment de découvrir que ce cœur des étoiles tournait beaucoup plus lentement finalement qu'attendu par les théories. Et encore à l'heure actuelle, il y a encore des tas de thèses, des tas de gens qui étudient ce transport de moment angulaire dans les étoiles pour essayer de comprendre cet état observationnel. C'était vraiment une très grande surprise observationnelle. Une étude assez récente d'ailleurs, parce que la publication date d'avril 2021 dans Nature Astronomie, justement sur la rotation du cœur des étoiles. Vous voulez réagir, Raphaël Garcia ? Oui, en fait, c'est ce qui est très intéressant, et justement Valérie va répondre là-dessus, c'est que les cœurs des ces géantes rouges, c'est les naines blanches. C'est ce qui va rester une fois que qui est justement le sujet des mesures principales de Valérie. Exactement. Allez-y. Pour dire que ben voilà, ce transport de moment angulaire, voilà, il a lieu vraiment séquence principale, phase des sous-géantes, etc. Mais une fois que l'étoile est géante, il va plus avoir ce transport de moment angulaire jusqu'à la fin de sa vie. En fait, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Voilà, en séquence principale, enfin séquence principale sous géante. Mais une fois qu'on a ce cœur de géant, ben, l'étoile va expulser son enveloppe et puis finalement devenir une naine blanche. Et puis voilà, on a plus typiquement le cœur, la rotation actuelle du cœur d'une géante, ça va être, alors toute proportion gardée puisque le cœur va continuer à se contracter, etc. Mais on ne va plus avoir ce transport de moment angulaire. Ça aussi, c'était un des grands résultats d'il y a quelques années en comparant l'évolution. En comparant à la rotation interne d'étoiles de type sous-naine, donc intermédiaire, de type naine blanche, de type géante rouge, etc. Donc en connectant un petit peu comme ça toutes les variétés d'étoiles selon leur stade évolutif. Un mot, alors il y a donc TESS qui continue aujourd'hui, qui est le successeur de Kepler et qui continue à faire de l'acquisition de données. Vous pouvez aussi travailler à partir d'un instrument Espresso qui est installé sur le VLT à Paranal au Chili. En fait, on travaille, disons, TESS, c'est un satellite qui est capable de regarder tout le ciel, donc oui. Il fait des observations. Large surveille. Voilà, c'est un large surveille. Effectivement, je ne sais pas les traduire en français. C'est un large champ. C'est un large champ. Donc en fait, il est fait pas tout en même temps. Ça veut dire qu'une fois par mois, grosso modo, il va regarder une région du ciel. Après, ça va tourner un tout petit peu, et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, il va regarder tout le ciel dans un hémisphère. Et après, l'année d'après, il va regarder l'autre hémisphère. Donc à partir de là, on va être capable de mesurer ou d'analyser ou d'étudier un certain nombre d'étoiles. Ça, c'est avec la luminosité, avec la photométrie. Après, on va aller à des instruments comme Espresso pour aller regarder certaines propriétés, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir Espresso pour nous pendant une année, pour regarder une étoile. C'est ça le grand problème. Donc, on va effectivement complémenter les études qu'on fait avec TESS, avec des mesures au sol, en vitesse, pour effectivement pouvoir aller, encore une fois, contraindre avec beaucoup plus de mesures les modèles pour essayer de progresser. Et par exemple, comme disait Valérie, essayer de comprendre la rotation interne des étoiles. Et brièvement, pour conclure, Valérie von Groutel, Raphaël Garcia en parlait tout à l'heure. La suite, c'est un autre télescope spatial qui s'appelle Plato. Quelles sont les perspectives aujourd'hui? Vous travaillez donc sur des objets beaucoup moins lumineux. On a entendu les naines blanches. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui à l'astérosismologie? Quelles sont les prochaines avancées que l'on peut espérer justement grâce à ces nouveaux instruments? Oui, alors donc Plato, c'est vraiment une mission complémentaire entre les exoplanètes et l'astérosismologie, puisque c'est vraiment faire sur la même étoile recherche d'exoplanètes et en particulier des planètes de type Terre à la distance de la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Donc vraiment essayer d'aller chercher des exoplanètes habitables, qu'on appelle ça le plus possible, et puis vraiment sur la même étoile. Dans le cas Kepler, c'est pas toujours sur les mêmes étoiles qu'on détecte les exoplanètes et puis qu'on peut faire de l'astérosismologie. Donc Plato, c'est vraiment, ça va être vraiment la première mission complètement complémentaire, je vais dire, entre les deux. Et puis, qu'est-ce qu'on attend du futur, évidemment, c'est toujours plus de données. Alors, on disait tout à l'heure qu'on était toujours en train d'analyser des données passées, et puis TESS, les données tombent du ciel littéralement tous les mois. Donc voilà, on a vraiment beaucoup beaucoup de données à analyser. Et puis voilà, on espère toujours plus, notamment certains objets qui ne sont pas dans certains champs. TESS observe quasi tout le ciel, mais il y a une certaine partie de l'écliptique qui n'observe pas, que peut-être Plateau va pouvoir atteindre. Donc parfois il y a certains objets qu'on a étudiés depuis le sol, etc., qui n'étaient pas dans les champs Kepler, Corot, TESS, et qui vont pouvoir être atteints par des missions futures, par exemple. Plateau, c'est quel, Raphaël Garcia en un mot, c'est quel lancement en 2024? 26, c'est 26, 2026. 2026. Et en fait... Voilà, en 2026, oui, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Raphaël Garcia. Merci Valérie Van Grotel d'être venue nous parler d'astérosismologie. La méthode scientifique, c'est Natacha Trius, Céline Lozen, Naïm Naguet de Saint-Vulfran, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim. À la réalisation, à la technique, le club des cheveux, Olivier Bétard et Florent Bujon. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est un podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, est une maladie qui touche les homosexuels. Mécanique des épidémies, collection de podcasts originaux de France Culture. Il apparaît au printemps 81 en Amérique du Nord. En 82, la maladie est désignée le sida. L'émergence d'une nouvelle pandémie, sa véritable origine, sa diffusion planétaire, les leçons que l'on peut en tirer. Mécanique des épidémies, saison 2, le sida, par Renaud Piaroux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.